de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. Comme vous savez peut-être, derrière Le Grain de Sable, c'est le mouvement l'Association pour une taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, qui est un mouvement mondial, mais québécois aussi. Donc, je ne sais pas pour vous, auditeurs, auditrices, mais pour nous, ça a été une semaine assez difficile, je vous dirais, émotivement, psychologiquement, avec le massacre de Charlie Hebdo. Faut savoir que sur le comité d'administration d'Attaque Québec, il y a des gens qui connaissaient certains des artistes et des journalistes à Charlie Hebdo. On va rendre hommage à un d'eux. Je ne veux pas massacrer son nom. C'est M. Bernard Marie. C'est le même qu'on le prononce, Michel? Je crois que oui. Oui, Marie, ou il y a un S à la fin. Mais enfin, on va parler de lui. On y rend hommage. On va parler aujourd'hui quand même de manière assez sobre du sujet du massacre de Charlie Hebdo, parce que dans le fond, vous en entendez parler beaucoup dans les médias, il y a des milliers d'articles, de lettres d'opinion, donc aujourd'hui, on n'en parlera pas à chaud, mais on va rendre un hommage à Bernard Marie. On va parler un petit peu, et aussi Michel, en deuxième partie, va faire un résumé des sujets intéressants de la dernière édition du journal À bâbord. Oui, tout à fait. Okay. Et on va aborder quelques points d'actualité. Mais évidemment, tout ça saupoudré avec des chansons qui vont vous divertir. Donc, en fait, on va commencer tout de suite sur le sujet de Bernard Marie. Michel, tu as trouvé une lettre, je crois. Oui, c'est une lettre d'un membre, de quelqu'un qui a été membre, co-président d'Attaque France avec Aurélie Trouvé de 2006 à 2009. C'est Jean-Marie Arribé. C'est un économiste français, Jean-Marie Arribé, qui a été maître de conférence à l'Université de Montesquieu. En fait, quelqu'un d'assez connu dans le mouvement Attaque mondial. Et cette semaine, évidemment, il a été tout à fait atterré par ce qui s'est produit à la rédaction de Charlie Hebdo. Et il a publié cette lettre que je vous lis, lettre de Jean-Marie Arribé. Le mot « atterré » a pris aujourd'hui un autre sens. Il ne désigne plus seulement une poignée d'économistes en opposition avec leurs collègues qui continuent envers et contre toute pensée logique de faire prendre les vessies pour des lanternes aux citoyens et à leurs étudiants. Bernard-Marie faisait partie de ces économistes atterrés. Mais aujourd'hui, le mot « atterré » désigne l'effondrement qui nous atteint, nous sidère et nous submerge après son assassinat et celui de ses amis de Charlie Hebdo. Bernard-Marie fut peut-être à l'aube du capitalisme néolibéral qui vit la science économique basculer définitivement dans l'apologie de la finance spéculative, l'un des premiers, sinon le premier de notre génération, à partir en bataille contre cette pseudo-science. Il fit cela avec toute sa connaissance de l'intérieur de la discipline et avec un humour ravageur à l'image de son Charlie Hebdo, de notre Charlie Hebdo. Car la bataille qu'il mena était double. D'abord contre ses pairs qui ne lui arrivaient pas à la cheville, son livre des économistes au-dessus de tout soupçon ou la grande mascarade des prédictions, Albin Michel 1990, dénonçait déjà il y a 25 ans, à une époque où les voix contraires étaient rares, les économistes diafoirus émettaient en pièces les prétendues lois économiques enseignées dans toutes les universités. Il mena aussi une bataille pour la démocratie en rendant accessible, par la voie de la dérision et du pastiche, la dénonciation précise du discours envahissant la sphère cathodique. Il participa à sa manière à la critique de l'austérité pour les pauvres et des largesses pour les riches, du capitalisme envahissant tout, du productivisme qui détruit humains et planète, et son argumentation en faveur de la réduction du temps de travail ne se démentit jamais. Atterré que cette voix se soit tue, que cette voix ait été tuée, ulcérée devant tant de violence et de haine envers l'humanité humaine, nous pleurons de tristesse et de stupeur. Je suis Charlie, nous sommes Charlie. Telle est la réponse que spontanément la société oppose à cette violence et à cette haine. Bernard-Marie était un atterré non-violent. Nous sommes tous des atterrés non-violents, mais déterminés. Voilà. très bel hommage de Jean-Marie Arribé à Bernard Marie. On va en dire un peu plus, puis pour les gens qui nous écoutent, aussi mettre en contexte que Bernard Marie, était a participé à la fondation du mouvement ATTAC. Donc, ça nous touche assez directement. D'ailleurs, Charlie Hebdo même était un des groupes fondateurs d'ATTAC. Puis bon, sur Internet, je vois toutes sortes de commentaires. Il y a des gens qui font, si je peux me permettre, une caricature de Charlie Hebdo. Des fois, on ne connaît pas les gens qui étaient derrière. Mais derrière Charlie Hebdo, il y a des gens qui ont lutté pour la justice toute leur vie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient anti-impérialistes, anti-colonialistes, ainsi de suite. Donc, il y a des gens peut-être qui prennent certaines caricatures au premier degré et ne réalisent pas la sensibilité et l'intelligence de plusieurs des personnes derrière. Tout à fait. Et ça ne justifie pas de toute façon les actes criminels qui ont été commis, parce qu'il faut le dire, ce sont carrément des criminels qui sont fait interruption dans la direction de Charlie Hebdo. Ouais. Petite chose que je voudrais préciser en passant, quand il parle du mot « atterré », c'est que Bernard-Marie faisait aussi partie d'une association qui s'appelle les économistes atterrés. Mmh. Et c'est une réponse à la vision actuelle de l'économie qui fait le jeu du néolibéralisme, il faut le dire. Mmh. Mais comme tu as dit tantôt, effectivement, ça aurait pu être un journal de droite, ça aurait pu être n'importe quoi, effectivement. peu importe, c'est ça, on est d'accord là-dessus. Normand Vaillargeon, que vous connaissez peut-être, qui a paru un peu dans les médias de ce temps-ci, dans le journal Voir, a publié un portrait justement de Bernard-Marie. Je ne vous le lis pas au complet, mais je vais nommer quelques extraits, parce que bon, il a fait, comme tu le dis, sur la question de l'économie, il a fait sa marque, disons. En fait, il a été lauréat d'un prix du meilleur économiste de France en 1995. Dans le journal Charlie Hebdo, il était surnommé l'oncle Bernard, qui faisait sa chronique. Donc, on le décrit comme étant drôle, iconoclaste, engagé, passionné de culture et de littérature. Il a d'ailleurs écrit des romans. Il s'est fait connaître, entre autres, en 1991, parce qu'en sortant de l'université, en fait, il a pas sorti de l'université, mais il a écrit un brûlot, si on veut, qui s'appelle « Les sept péchés capitaux des universitaires », où ça l'a amené, en fait, à travailler avec Charlie Hebdo dans une rubrique qui s'appelait « La grosse Bertha ». Il dénonçait ce qu'il disait la servilité du corps universitaire vis-à-vis de ce qui l'entoure, notamment des forces du marché. Il trouvait que les universitaires, en particulier les économistes, étaient conformistes. Il disait qu'à l'époque, l'économie incluait un courant juridique, historique, philosophique, mais qu'aujourd'hui, tout ça était laminé, puis il restait juste l'économie libérale. On parlait juste du marché, offre, demande, efficacité. Donc, il dit que le discours dominant a une fonction rhétorique précise, c'est défendre et faire passer le discours libéral par tous les moyens. On nous dit essentiellement « Nous avons raison parce que nous sommes les savants, les prix Nobel, et donc vous devez la boucler. » Donc, c'est cette critique sociale-là, cette critique aussi de la science économique qui l'a amené à Charlie Hebdo. Donc, il a publié aussi un ouvrage qui s'appelle, avec Philippe Labarde, « Ah Dieu, que la guerre économique est jolie! » Un beau titre. Il dit qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas négociables. Entre autres, l'écologie, par exemple, n'est pas négociable. On ne doit pas laisser le marché gérer la question écologique. L'éducation aussi. Pour lui, l'éducation ne doit pas être financée par le privé. Pour lui, l'éducation est un bien collectif, public, qui est associé aux droits humains. L'éducation fait partie des droits humains et ça doit donc être universel. Même chose pour la monnaie. Bernard Marie, comme économiste, considérait que la monnaie ne doit pas être gérée par les banques privées, mais par des institutions démocratiques. Est-ce que tu veux compléter? Oui, d'ailleurs, Bernard-Marie croyait que le système pouvait être changé de l'intérieur parce qu'il était membre du conseil d'administration de la Banque de France. OK. Ah bon? Oui, et oui. OK. Donc, on va aller en pause musicale avec Kenny Arcana qui chante une chanson qui s'appelle « Ils ont peur de la liberté ». J'ai une seule phrase là-dessus, sa chanson... ne parle pas seulement que des extrémistes religieux. C'est une chanson qui s'adresse à tous les gouvernements qui ont peur de notre liberté. Le temps

Les Saisonniers ont décidé que c'était pas un crime de guerre de tuer tout ce monde-là. Personne n'a été accusé, selon Amnesty International. Mais je vais donner un autre exemple, peut-être plus d'actualité. Raif Badawi, qui en fait a de la famille à Montréal, sa femme et ses enfants l'attendent à Montréal, mais il est en prison en Arabie Saoudite. Il a tout simplement exprimé des opinions sur un blog libéral, considéré libéral, où il demandait plus de liberté morale. Il critiquait donc certains leaders religieux, qui sont aussi des politiciens en même temps. Là. Et pour ça, non seulement il y a 10 années de prison en théorie, mais il est condamné à 1000 coups de fouet. Il en a reçu une centaine hier, et à tous les deux semaines, ils vont lui donner environ 50 à 100 coups de fouet. Donc ça, c'est un autre exemple de gens. Mais bon, le fait qu'il y a de la famille à Montréal, ça nous touche encore plus. Mais nous sommes aussi Raif Badawi et des centaines de milliers d'autres victimes qu'on ignore, là, incluant des gens tués par l'Occident. Mais bon, je ne vais pas vous donner des millions d'exemples aujourd'hui. Oui, parce qu'il y en a tellement, il y a... Au Nigeria, où il y a eu plusieurs civils qui ont été carrément abattus de sang-froid. Oui, absolument. Ça n'arrête pas. Donc, sur une autre nouvelle d'actualité, le Canada accorde encore environ 1 milliard minimum là, de fonds publics pour la recherche pétrolière et de gaz naturel. Ça inclut les crédits d'impôt. Mais 1 milliard, c'est un chiffre minimal. C'est juste les chiffres qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, puisqu'il y a beaucoup de chiffres auxquels on n'a pas accès. Donc, nos chercheurs, nos experts n'arrivent pas à savoir combien d'argent de subventions on donne réellement aux pétrolières et à cette industrie, alors que tout le monde leur demande de cesser d'investir là et d'investir à place dans les énergies alternatives. Ensuite, un mot aussi sur une réforme de l'aide sociale qui est à surveiller. Il y a des règlements d'aide sociale qui sont déjà, à mon avis, assez violents et injustes pour en avoir vu une coupe de près. Et là, le gouvernement Couillard, étrangement, au lieu d'améliorer la situation, veut l'empirer. Oui, ils vont encore nous envoyer un ballon d'essai et voir comment on réagit. Et puis, si les gens ne réagissent pas, ben, ils vont agir, c'est ça. Ouais. Ils ont d'ailleurs déjà commencé à agir, à couper dans le réseau social. Là. Ils ont commencé à couper, entre autres, l'aide aux personnes handicapées. C'est effroyable. Le transport, entre autres... des personnes handicapées, ils ont déjà commencé à couper. C'est difficile à accepter, surtout quand on met ça en parallèle avec les cadeaux qui sont faits, les crédits, l'aide aussi aux entreprises et tout ça. Là, oui, ça, il y a des gens riches qui font beaucoup de profits, certaines industries, pour pas personnaliser, là, qui reçoivent des subventions. Donc, on ne sait pas trop pourquoi. Mais cet été, ils ont coupé aussi des programmes d'aide à la recherche d'emploi. Donc là, il y a personne qui comprend. Des programmes qui visent à aider les personnes sur l'aide sociale à se trouver un emploi ont été coupés. Et le timing, si vous me permettez l'expression, du gouvernement actuellement est un peu étrange, parce que récemment, c'était dénoncé dans le journal La Presse et ailleurs qu'il y a des gens qui devaient rembourser les dons de mendicité. Donc des gens qui quêtent sur la rue, qui mendient dans les métros, par exemple, ils doivent le déclarer à l'aide sociale et se faire couper. Ils sont coupés. Cet argent-là, ils n'ont pas le droit de mendier. L'argent qu'ils mendient, qu'ils reçoivent de la mendicité, ils doivent le déclarer et c'est coupé. Et si tu le fais pas, il peut y avoir un enquêteur zélé, c'est arrivé, qui te demande. Dans ce cas-ci, il y a un couple, en fait, à Montréal, qui doit rembourser 25 000 $ de mendicité. Ah oui. 10 années de mendicité qu'ils doivent rembourser. Ouais. Comment qu'ils remboursent ça? En fait, ils sont un peu pris au piège, là. Ils vont tout simplement charcuter leur prestation d'aide sociale à chaque mois, qui est pas beaucoup, on s'entend. Mais bon, on peut pas. Ce qui va les encourager à faire encore plus de mendicité, c'est fou. Oui, c'est une drôle de situation. Oui. C'est assez piégé. Mais juste un exemple, on pourra en donner d'autres plus tard. Je pense que ça va mériter un dossier spécial sur l'aide sociale plus tard si le gouvernement va de l'avant sur des règlements qui sont vraiment injustes. Là. On parle pas de... En tout cas, bref. On a-tu des bonnes nouvelles? Parce que j'avais cette réflexion-là à travers tout ça. Là. C'est une bonne question. Là. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles? Non. Je n'en vois pas personnellement. Okay. Non. Ben, j'en vois une, c'est un peu général, là. Mais avec environ 30 millions de gens au Canada, si je ne me trompe pas, environ 7 millions de gens au Québec, la violence religieuse, politique ou autre est quand même extrêmement rare au Québec et au Canada. Ça arrive de temps en temps, mais si on compare à d'autres pays, moi je trouve qu'on est quand même assez choyé. Si on regarde, il y a très très peu de violence religieuse et politique au Québec et au Canada, puis je faut s'en réjouir, parce que ailleurs c'est quand même assez commun. Là. Oui, effectivement. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, on va passer une chanson, malheureusement triste, mais c'est une chanson qui auquel je pense. Est-ce que je peux dire une dernière petite chose en passant, juste à revenir sur le drame de Charlie Hebdo? J'ai vu une image assez incroyable où il y avait les quatre policiers là, qui ont mis côte à côte, qui ont perdu la vie dans ce drame. Et il y avait une noire, un blanc, un arabe. En fait, je dis quatre, mais je crois que c'était trois photos que j'ai vues. Et une personne d'origine arabe. Alors, ces trois personnes-là, de trois origines différentes, ont perdu leur vie pour défendre la liberté. Oui. La prochaine chanson, je dois l'introduire un petit peu, puisqu'elle s'appelle « Aux armes ». Son nom est difficile à prononcer, là, de Mel Ismail. « Aux armes », en fait, ça fait référence à l'hymne national et à d'autres hymnes français, à l'époque, qui visaient l'aristocratie. Donc, c'est un appel aux armes pour faire tomber l'aristocratie. Je pense que c'est important de le dire. Mais c'est une chanson de deuil, en fait. Une chanson qui pleure un peu l'injustice et le racisme moderne. C'est en lien avec aussi l'hymne de la France, là, aux armes citoyens. Oui. Mais je trouve que c'est un message qui s'adresse un peu à tout le monde. Puis je trouvais que c'est une chanson un peu de deuil qui va bien avec la situation actuelle. C'est la lutte finale, un combat d'initiés, sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sang élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras. Pleurez dans nos villes nos sarcasmes. Aux armes, aux armes, etc. Que veut cet ordre de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes. L'État comprime et la loi triche. L'imposerie des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle. Égaux à la naissance, parfois, liberté, liberté chérie. Ceux qui ont la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt. temps des croisades est revenu avec lui. L'incohérence, les abus, ils ont tué les civils, ont rasé des rues, les centaines de maisons transformées en talus. Ils ont fait la guerre en Afghanistan, tout comme au Vietnam, en plus enrichissant. Ils ont libéré l'Irak médiatiquement, camouflant leurs attaques en fausse libération. Ils agissent en conscience, dans l'indifférence. Ils punissent nos existences sans nous laisser la moindre chance. Trop sûr de leur puissance, ils utilisent la violence. Ils punissent nos existences et emprisonnent nos espérances. Ils vendent leurs armes au Proche-Orient pour la paix, font la guerre à leur propre armement. Ils font travailler trop d'enfants sur la terre, les exploitants contre un salaire de misère. Ils nous impressionnent à coups d'interdits, ils remplissent les prisons, font les sans-abri. Ils nous conditionnent depuis tout petit, tout plus grand, nous soyons asservis. Ils agissent en conscience, dans l'indifférence. Ils punissent nos existences sans nous laisser la moindre chance. Trop sûr de leur puissance, ils utilisent la violence. Ils punissent nos existences et emprisonnent nos espérances. To brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Bonjour, ici Frédéric Lizotte, blogueur et porte-parole à la Régie des rentes du Québec. Pour la plupart d'entre nous, la retraite va durer plus de 20 ans. Et calculer combien d'argent épargner pour la retraite, ça se fait pas tout seul. Faites-le en ligne avec l'outil Simulaire. Simulaire, c'est 5 étapes faciles. Parce qu'à plus de 20 ans de retraite, ça vaut bien un petit 5 minutes. Votre retraite se calcule maintenant sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Un message de la Régie des rentes du Québec. Vous voulez être efficace et écologique? Une adresse, 4 services sous le même toit. Comptabilité N Carrier prépare vos impôts, que ce soit pour les particuliers, les travailleurs autonomes, les entreprises, les gestions immobilières ou les organismes à but non lucratif. Vous êtes en retard? Pas de panique. Comptabilité N Carrier prépare vos impôts toute l'année durant et jusqu'à 10 ans de retard. Pour les entreprises, plusieurs services sont offerts. La gestion complète des payes, le calcul TPS-TVQ, la préparation des états financiers et plus encore. Services personnalisés et plus de 15 ans d'expérience. Comptabilité N Carrier est la clé de votre tranquillité. 418-529-0511, 885 3e Avenue. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Du 17 décembre au 11 janvier, le Cercle des auteurs de la Relève de Québec occupe la galerie de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste avec l'exposition littéraire Fragments. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Vous écoutez CKRL 89.1. Bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. En deuxième partie, Michel Monnette est avec nous et tu vas nous parler de la dernière édition de À Bâbord, le journal À Bâbord. Oui, un mot d'abord sur la revue À Bâbord. C'est pas tous nos auditeurs qui connaissent cette revue. C'est une publication indépendante sans but lucratif qui paraît 5 fois par année depuis 2003. Ça fait quand même 12 ans que la revue existe. C'est une revue éditée par des militantes et des militants de toutes origines qui propose une révolution dans l'organisation de notre société, dans les rapports entre hommes et femmes et dans nos liens avec la nature. C'est une revue qui a pour but d'informer, de formuler des analyses et des critiques sociales et d'offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d'origine populaire. À Bâbord veut appuyer les efforts de celles et ceux qui dénoncent les injustices et organisent la rébellion. Les articles de la revue peuvent être reproduits à condition d'en citer la source. Donc, si on veut, on peut reproduire sans problème les articles de la revue. L'important, c'est de bien citer la source. Je n'aimerais pas tout le collectif. À Bâbord, c'est un collectif de rédaction. Je n'aimerais pas tous les gens qui font partie du collectif. Seulement quelques personnes, ça va vous donner une idée. Il y a d'abord Normand Baillargeon, dont il a été question tantôt. Luciano Benvenuto, Isabelle Bouchard, Philippe Boudreau, Jean-Pierre Couture, Isabelle Duchesne, Philippe de Grosbois, Léa Fontaine, qui est la coordonnatrice de la revue, et Philippe Hurtault, Diane Laboureux, enfin, etc., etc. Philippe Hurtault, qui est de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qu'on a reçu à plusieurs reprises ici à l'émission Le Grain de Sable. Alors, le dernier numéro, le numéro de décembre-janvier, portait sur, en fait, le dossier central de la revue s'intitule « Vivre en démocratie autoritaire ». La question, en fait, c'est est-ce qu'on peut vraiment parler encore de démocratie de nos jours dans les pays alors qu'on est de plus en plus sous surveillance? On se pose souvent la question. Juste rapidement, on va passer quand même rapidement à travers la revue. L'éditorial qui traite de la question de TransCanada Pipeline. Hein, est-ce qu'on va être le déversoir des pétrolières? En fait, on ne veut pas être le déversoir des pétrolières. Il y a aussi un article intéressant de Diane Lamoureux sur l'agression non dénoncée, tout ce mouvement où des centaines de femmes ont dit publiquement qu'elles avaient été agressées. Ça a permis à plusieurs femmes, finalement, de se libérer de ce poids énorme. Et ça, souhaitons-le, a engendré un débat de société sur la façon dont l'éducation, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça cesse ces agressions qui sont principalement contre les femmes. Il y a Claude Vaillancourt qui a fait un article. Claude Vaillancourt, qui est président d'Atec Québec, qui a fait un article qui s'appelle « Plan de communication 2.0 ». C'est intéressant parce que Claude revient à la première mouture du Parti libéral, celle de 2003, où on a essayé de nous faire passer une réorganisation de l'État. Ça n'a pas fonctionné. On se rappelle aussi de la révolution culturelle, entre guillemets, de Raymond Bachand. Tout ça, finalement, ça a plus ou moins fonctionné. Il y a eu quand même des dommages, des dommages qui ont été faits à l'État québécois. Et là, l'équipe actuelle, l'équipe de Philippe Couillard, revient finalement avec ce plan de communication 2.0. En passant, d'ailleurs, ils veulent tellement bien réussir le plan de communication 2.0 qu'ils ont décidé de centraliser toutes les communications au bureau du premier ministre. Pas seulement tout ce qui concerne la presse, les relations de presse, mais l'ensemble des communications, les ministères et organismes n'ont plus de conseillers en communication ou de graphistes ou enfin de toute personne qui travaillait dans les services de communication. Tout ça a été regroupé. Ça, c'est nouveau. Ouais. c'est nouveau. Ça s'est produit à la fin de l'automne passé. Ça a passé à peu près inaperçu, hélas. Il y a quand même quelques dénonciations dans la presse, mais très peu, finalement. Ça semble être une tendance lourde au sein de plusieurs partis politiques, gouvernements. C'est ce que Harper a fait à Ottawa. Aussi. Et on s'en va dans cette direction-là aussi à Québec. Cette idée de contrôler l'ensemble des communications. Si c'était uniquement pour faire des économies d'échelle, il n'y aurait pas de problème, mais peut-être qu'il faudrait à ce moment-là que toutes les communications soient regroupées sous un autre chapeau que le bureau du premier ministre, parce que là, ça devient vraiment risqué que finalement, ça devienne purement des communications politiques et non plus des communications envers la population qui a besoin de savoir de quels services elle dispose, qui a besoin d'informations de toutes sortes et de tout genre sur l'ensemble des services publics. Je ne peux pas passer sous silence un autre article qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup touché. C'est la déclaration de souveraineté atikamekw. C'est une entrevue avec Constant Awawish, qui est grand chef de la nation atikamekw. Ça me touche plus particulièrement parce que je suis originaire de la Mauricie. Si on veut savoir à peu près c'est quoi le territoire des atikamekw, ben c'est pas compliqué. Ça part de Trois-Rivières et ça va jusqu'à au-delà de la Tuque. C'est tout le réservoir, finalement, entre autres de la rivière Saint-Maurice et de d'autres rivières qui se jettent plutôt vers le nord. C'est un immense territoire. Et cette déclaration, elle a été plus ou moins bien reçue. Certains ont critiqué, certains même étaient fâchés, enragés contre les atikamekw. Mais tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est de dire, ben, il y a eu des traités, surtout après le jugement à Tsilkotin qui a, c'est un jugement par lequel, j'espère que je prononce bien, Tsilkotin. C'est la Cour suprême du Canada qui a reconnu le titre ancestral d'une première nation de. En fait, le titre ancestral d'une première nation de son territoire, c'est une première au pays que la Cour suprême reconnaisse le titre ancestral d'une première nation. Et ce qu'ont voulu faire les atikamekw, c'est de dire, ben nous aussi, finalement, on a un titre ancestral sur ce territoire-là et on veut que ce titre ancestral-là soit reconnu. Donc, je vous invite à lire cet article-là. C'est fort intéressant. Ça aide à mettre ça en perspective. Les gens, aussitôt, paniquent, disent « souveraineté ». Ça veut dire que c'est les atikamekw, désormais, qui vont diriger le territoire, mais pas du tout, absolument pas. Ils veulent tout simplement que leurs droits ancestraux soient reconnus par les gouvernements. Ben, j'ajouterais que c'est des précédents juridiques qui viennent nous aider, nous aussi, non-autochtones. Parce que c'est lié, entre autres, aux questions de communauté, qui veulent avoir un droit de regard sur des projets industriels qui utilisent des ressources naturelles, par exemple, compagnies minières, pétrolières. Il y a toute une lutte pour que les gens aient le droit de dire non. Actuellement, c'est les municipalités qui ont parfois un droit de regard. Donc, les Premières Nations, souvent, vont revendiquer ce statut-là. Comment t'appelais ça, donc, de peuple ancestral ou quelque chose? En fait, c'est le droit ancestral, c'est la reconnaissance de leurs droits ancestraux, finalement. Ouais. C'est qu'il y a eu des traités dans le passé qui ont été signés avec ces nations-là, il faut les respecter. Et souvent, il faut qu'ils invoquent ça pour la même manière que certaines villes québécoises veulent défendre aussi leur droit de regard. Ben, au même titre que le Québec défend ses pouvoirs par rapport à Ottawa, c'est pareil, finalement. Au même titre que les municipalités défendent leurs pouvoirs par rapport à Québec, c'est pareil. On va aller en pause musicale et on va revenir ensuite. On va parler à ce moment-là du dossier central. OK. Parfait. Donc, la pause musicale, en fait, c'est une chanson, en fait, c'est un instrumental du groupe I Am, choisi par Michel. Thank you. de retour à l'émission Le Grain de Sable avec Michel Monette qui nous parle de la dernière édition du journal À Bâbord. Ouais, juste en passant, le groupe qu'on vient d'entendre, c'est un groupe de rap français d'origine marseillaise. C'est un des piliers du rap français, ce groupe. En effet. On va en venir au dossier central. Toute la revue est intéressante en passant. Il y a plein d'autres articles dont j'aurais pu vous parler, mais je vais me concentrer sur un article du dossier central. Mais d'abord, l'introduction. Je vais vous lire le premier paragraphe de l'introduction, ça vaut la peine. Ça va vous aider aussi à voir dans quel sens vont les auteurs, le collectif qui a écrit ce dossier. Au Québec, tout comme au Canada et ailleurs dans le monde, la démocratie est de plus en plus réduite à ses formes les plus rudimentaires ou à ses pratiques procédurale, dont le sens a été systématiquement vidé de tout contenu significatif. Pendant que subsiste un squelette d'État de droit que la doctrine libérale s'entête à vouloir confondre avec la démocratie, les différents mouvements de dissidence et de résistance sont férocement attaqués, révélant du même coup la brutalité d'un virage autoritaire et répressif de moins en moins subtil. C'est l'analyse de ce virage qu'ils font dans ce dossier. Il est question non seulement du Québec et du Canada, mais aussi de d'autres exemples ailleurs dans le monde, entre autres dans les pays arabes. Venons-en à l'article, premier article du dossier. C'est un article qui s'intitule « Notre démocratie du petit nombre ». C'est Martin Brault, qui est professeur de théorie politique à l'Université York à Toronto. Je crois que c'est Brault, parce que ça se prononce en tout cas B-R-E-A-U-G-H. Et Ricardo Peña-Fiel, qui est prof de sciences politiques à l'UQAM. Ils ont voulu en fait analyser la démocratie au Québec, mais on pourrait appliquer leur analyse, leur grille d'analyse à l'ensemble des démocraties à travers le monde. La démocratie du petit nombre, c'est toute la question de savoir finalement si on a un gouvernement représentatif peut agir de manière autoritaire. Est-ce que quand on vote, quand on élit un gouvernement, mm-hmm. c'est un chèque en blanc qu'on lui donne pour les 4 ans? Mm. Et la question se pose à chaque fois, on le sait. On a eu le mouvement en 2003, on n'a pas voté pour ça. On pourrait reprendre le même slogan aujourd'hui, parce que dans le fond, pendant la campagne électorale, ils n'ont pas nécessairement mis de l'avant les politiques. Ils n'ont pas nécessairement promis. Ça, c'est les promesses. Ouais. C'est ça, exactement. Alors, donc, est-ce que finalement, une élection, c'est un chèque en blanc? Ouais. Bon, mais au-delà des promesses, dans le fond, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens au Québec qui ont comme mentalité qu'une fois que tu as élu quelqu'un, il fait ce qu'il veut pendant 4 ans. Et voilà. Et c'est comme un mandat général pendant 4 ans et qu'on doit se taire. Heureusement, on est quand même nombreux à trouver que non, c'est pas supposé être ça la démocratie, à mon avis. Et voilà. Et c'est ce qu'ils disent. Ils ont donné en introduction, puis autant pour le gouvernement libéral que pour le gouvernement du Parti québécois, c'est pareil. Des exemples où on a vu un gouvernement élu au suffrage universel, un gouvernement dit représentatif, agir de manière autoritaire au nom de la démocratie même, au nom de l'élection démocratique, qui lui donne la prérogative de la décision. Mais aussi au nom d'une obsession sécuritaire construite et entretenue pour engendrer un état d'urgence permanent légitimant des actions discrétionnaires des pouvoirs publics. Et ça, c'est pas seulement dans le cas d'Ottawa avec la lutte au terrorisme, c'est un peu partout qu'on a de plus en plus ce gouvernement qui décide d'entretenir constamment une espèce de sentiment de manque de sécurité dans le but évident de finalement de pouvoir imposer de façon autoritaire. Ouais. C'est réduire politique. Nos droits et libertés pour toutes sortes de raisons. Mais justement, suite au massacre de Charlie Hebdo, le gouvernement Harper va proposer de nouvelles mesures dites antiterroristes. J'ai hâte de voir ça. Ça m'inquiète. Oui, tout à fait, exactement. Finalement, les auteurs, ce qu'ils font dans un premier temps, dans leur article, c'est qu'ils vont, ils retournent en arrière, ils retournent au passé. Souvent, on oublie de retourner dans les origines. Un retour aux conditions antérieures, aux acquis des démocraties qui ont été arrachés par les mouvements sociaux, ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça n'a pas été donné, la démocratie, ça a été arraché. Il a fallu aller la chercher contre les oligarques. Et l'oligarchie, il y a toujours cette tentative des puissants de reprendre ce qu'ils ont donné. C'est une tendance naturelle un peu, ouais. Parce que finalement, il y a toujours le risque que c'est un petit nombre de puissants qui discutent entre, guillemets, égaux, des meilleures conditions, des meilleures décisions pour l'ensemble de la population. Et comme tu le disais tantôt, effectivement, il y a aussi la tendance de la population à laisser finalement les puissants décider pour eux parce que, bon, c'est plus facile, on n'a pas à se poser de questions. Tout ce qu'on a à faire, c'est finalement d'aller dans les centres d'achat et de dépenser. Alors, eux disent que le régime politique de démocratie moderne repose sur trois pôles constitutifs. D'abord, le gouvernement représentatif, ensuite un système de partis politiques et les grandes bureaucraties. Il ne faut pas oublier les grandes bureaucraties, la troisième composante du système. Une analyse de ces pôles dévoile la logique proprement oligarchique qui les anime. Il est important de préciser que la configuration oligarchique de la modernité n'est pas le fruit d'une quelconque conspiration. Hein, on entend souvent dire, bon, ben, ce sont des gens qui conspirent entre eux pour contrôler finalement contrôler le pouvoir, quoi, s'assurer le pouvoir. Mais c'est un mélange de volonté, d'événements contingents, d'impératifs démographiques, d'efficacité, d'organisation, de rationalité, de complexification grandissante des sociétés contemporaines. Mmh. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, finalement, qui font en sorte que le gouvernement est de plus en plus laissé entre les mains d'un petit nombre, que ce soit des politiciens ou que ce soit des représentants de la bureaucratie. Okay. Il faut conclure. Est-ce que tu veux soit conclure ou résumer un peu tout ça? Qu'est-ce que tu en retiens? Bien, en fait, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation des choses politiques? Et là, c'est intéressant parce que il propose rien de moins que d'adopter une posture machiavélienne. Pas celle du Machiavel, penseur de la réelle politique, qui ne résiste pas à une lecture sérieuse de son œuvre. Dans le discours sur la première décade du titre livre, le secrétaire florentin, Machiavel, le secrétaire florentin, nous livre le fond de sa pensée sur la politique du grand nombre. Au chapitre 4 du livre premier, il analyse les conflits entre le Sénat et le peuple sous la République romaine. Refusant de fustiger les incessantes querelles entre les patriciens et les plébéiens, Machiavel affirme sans embâge, et c'est là où je veux en venir, je soutiens à ceux qui condamnent les querelles du Sénat et du peuple, qu'ils condamnent ce qui fut le principe de la liberté, qu'ils sont beaucoup plus frappés des cris et du bruit qu'elles occasionnaient sur la place publique que des bons effets qu'elles produisaient. Machiavel considère donc le conflit porté par le grand nombre comme quelque chose de fécond. Okay. Le conflit engendre la liberté. La démocratie s'est gagnée dans le conflit et la démocratie se vit dans le conflit. Ça fait partie même de la démocratie. Conflit alors, non violent, mais oui, c'est une forme. Oui, effectivement. C'est une manière non violente justement de gérer nos différences. Tout à fait. Tout le printemps érable était non violent. Bon, il y a eu quelques petites échafaudées, mais à peine. Mais malgré tout, les autorités se sont permis de le réprimer violemment. La violence, elle n'est pas du côté qu'on pense finalement. C'est que les gens n'étaient pas habitués, je crois. Il n'était pas habitué aux manifestations, mais il faut s'y faire. C'est surtout que le pouvoir voulait retrouver la tranquillité pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Oui, il y a plusieurs choses. Mais on va passer à la musique. En fait, je ne sais pas si vous connaissez La Parisienne libérée. J'ai déjà joué une de ses chansons, mais celle-ci s'appelle Hey Ho, les néolibéraux. Ababar est en pleine campagne de recrutement en passant. Ah, OK. Ils ont un site web, j'imagine. Oui, ababar.org. Ababar en un seul mot, .org. OK, on part à musique. Néo, depuis 50 ans, ils ont fait plus que leur temps. Trois mots résument leur pensée. Il faut privatiser. Tels de vilains champignons, ils s'installent sur le tronc de toutes les fonctions publiques jusqu'à ce qu'elles périclitent. Eh oh, eh oh, l'Europe se perd dans l'écho et les idéaux vieillots des néolibéraux. Là où ils passent la sécu, hélas, ne repoussent plus. Quand ils sèment leurs sauterelles, c'est pour replanter des mutuelles. nos CD dans l'abîme se transforment en intérim. Depuis le temps qu'ils plantent leurs choux à la mode de chez nous. Eh oh, eh oh, l'Europe se perd dans l'écho et les idéaux vieillots des néolibéraux. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, l'Europe se perd dans l'euro. Il ne crée rien, c'est dommage, à part du chagrin et du chômage. La valse des gouvernements et des logements vacants. Ils attaquent les gentils et dévorent les petits. Ils n'ont pas de problème de cœur, les privatiseurs. Eh oh, eh oh, l'Europe se perd dans l'écho et les idéaux vieillots des néolibéraux. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, l'Europe se perd dans l'euro. Ils nous vendent des voitures dont les crédits nous capturent. Puis désignent nos ennemis. Tous les coups sont permis. Voilà que c'est la faute aux Grecs, aux Roumains, aux Russes, aux Tchèques. Aux migrants qu'on trouve noyés dans la Méditerranée. Se perd dans l'écho et les idéaux vieillots des néolibéraux. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... Alors, re-bienvenue à l'émission Le Grain de Sable. On passe à l'événementiel, comme on faisait avant. Une petite minute où je vous décris certains des événements engagés ou sociaux qui vont avoir lieu cette semaine. Ce mardi 13 janvier, il y a un atelier le soir sur le thème de femmes et féminisme donné par le collectif Subversité. C'est à la page noire. En fait, la page noire, c'est au-dessus du bar coop L'Agité, c'est-à-dire 251 Dorchester, donc mardi à 19h. Mercredi 14 janvier, amenez votre poème engagé pour le partager à une rencontre du CAPMO. Le CAPMO, c'est le carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert. C'est un organisme communautaire qui organise des cercles de discussion une fois par mois. Vous pouvez aussi juste venir écouter, hein. Vous n'êtes pas obligé de lire un poème en tant que tel. Donc, c'est à 18h30 au 435 rue du Roi, donc pas loin de la bibliothèque Gabriel-Leroy, au deuxième étage. Si vous voulez aussi, il y a un souper gratuit à 17h au même endroit. Jeudi 15 janvier, la Ligue des droits et libertés vous invite à une conférence « Surveillance de masse ». Rien n'est caché, rien à craindre. Donc, à l'ère des technologies numériques, médias sociaux, téléphones intelligents, achats en ligne, a-t-on raison de craindre d'être l'objet de surveillance de l'État? Donc, par la Ligue des droits et libertés de Québec, à 19h au Tam Tam Café. Je rappelle que c'est jeudi prochain, 19h, Tam Tam Café. C'est à l'intersection, boulevard Langelier, boulevard Charest-Est. Ça va être aussi le 20e anniversaire de la Ligue des droits et libertés, du moins de la section Québec. Samedi 17 janvier, stigmatisation des personnes ayant un problème de santé mentale. Donc, de 13h à 15h, à la Galerie Sherpa, qui est aussi l'organisme Pêche, il y a une conférence où vous êtes invité, il y a une petite conférence, puis vous êtes invité aussi à venir parler du sujet de la santé mentale autour d'une soupe et d'un café. Donc, tous les détails sont disponibles sur le média réseauforum.org. En fait, le média revient de vacances, donc il y a plusieurs événements qui vont être publiés dans les prochains jours. Donc, on va terminer l'émission. D'ailleurs, après nous, c'est les geeks contre-attaque. Alors, restez en onde. Cette émission a été produite par Michel Monette et Michael Lassard. Moi, j'étais à la mise en onde et à quelques choix musicaux. Michel, est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin?